tuerait nos soldats invincibles, à Réchauffaine, la mort prochait leur nom. Nos ennemis dans les bois invisibles, comme très lourds, poursuivaient ces géants. Depuis le jour disputant la bataille, France, ils portaient ton drapeau glorieux. Ils sont tombés, vaincus par la mitraille, et non par ceux qui tremblaient devant eux. Voyez là-bas comme un éclair d'acier, ces escadrons passés dans la fumée. Ils vont mourir et pour sauver l'armée, donnez le sang du dernier cuirassier, donnez le sang du dernier cuirassier. Par quatre voies, torrent irrésistible, ce plan humain roua les rangs pressés. Des Allemands, que cet élan terrible, sur les prés verts, couchés comme les blés. Ils sont passés, mais après la bataille, quand on chercha ces régiments de fer, les corbeaux noirs, déjà faisaient ripaille de sang fumant et de lambeaux de chair. Ils sont là-bas, ces régiments d'acier, comme ils chanissent à travers la fumée, pour essayer de sauver notre armée. Donnez le sang du dernier cuirassier, donnez le sang du dernier.